La délégation du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il et de ses membres, conduite par le co-administrateur général Johnny Hon, est arrivée le 4 par avion à Pyongyang pour participer à la deuxième réunion du conseil.